laissé en galère. J'aurais voulu sortir le SLR. Où j'ai vécu, c'était la misère. Mener une vie au bord de la mer. Mais j'aurais pas dû te laisser en galère. J'aurais voulu sortir le SLR. Où j'ai vécu, c'était la misère. Mener une vie au bord de la mer. Et là, la miss, là, je suis sous Jagda. Tu fais que j'acte et tu surveilles même chaque pas. Je t'appelle dans la semaine et on se revoit à l'occasion. J'ai des sous à faire 10 000 euros en un week-end. Non, mais là, je deviens loco. La petite veut se caser, elle a trop l'avocat. J'appelle dans le local, tire une baraque des calques. Fais fumer, je suis 22, tout est en poche en bleu. Elle fait sa folle, elle en veut. Tout est en poche en bleu. Elle fait sa folle, elle en veut. On va pas se faire la guerre, ça va dans nos comptes. Petit quartier, l'enfer, ça se bute pour un rendé. Attention, symptôme, n'arrête pas de zoner. On ira à Pattaya ou sur une île à côté. J'aurais pas dû te laisser en galère. J'aurais voulu te sortir le SLR. Où j'ai vécu, c'était la misère. Mener une vie au bord de la mer. Mais j'aurais pas dû te laisser en galère. J'aurais voulu sortir le SLR. Où j'ai vécu, c'était la misère. Mener une vie au bord de la mer. Ça prend pas de moi, si ça sort le machin. Je fais ta machine, mais au fond c'est qu'une catin. Ça sort le carton pour toucher la bavette. Elle fait que pister, la petite jamais elle s'arrête. J'suis dans le carré VIP, j'ai l'accompagné. Elle a mis les talons, Zerma de marque italienne. Rejoins du 50, verre de champagne. Juste en bas du rein, tatouage en Italie.